Lundi. Mais quel pays singulier ! Séparés du continent à une époque qu'il est malaisé de fixer, les Iliens se sont construits un habitat social qui ne ressemble à aucun autre. Ce qui frappe tout de suite ici, c'est, à quelques exceptions près, la forte unité de la race. Les hommes sont grands, nerveux et souples, peu de blonds parmi eux, et de même chez les femmes. C'est chez celles-ci, comme il arrive presque toujours, que les traits originels se sont le mieux conservés. Elles ont une pureté de type presque classique. À 16 ans, on dirait des Junons. Toutes portent la cape noire, dite jubilinen, le châle noir, la jupe noire, que vous leur avez vue dans le célèbre tableau de Renouf, la veuve de l'île de Sein. La seule ligne de blanc est fournie par la chemise qui sort un peu et croît sur la gorge légèrement découverte. Je ne saurais dire l'effet de ce costume si sévère et ainsi généralisé. Un deuil éternel semble vraiment peser sur ces femmes qui fait leurs bouches amères et leurs yeux graves sous les extraordinaires cils noirs dont ils sont ombragés. Cette noblesse, cette gravité du type tiennent sans doute pour beaucoup aux mariages consanguins qui sont presque de loi ici. Il n'y a que 19 noms de famille à Lille, et surtout des Hervéis, des Porsmoguer, des millinaires, des ménous et des timeurs, même sans chez tous. Or, il est extrêmement rare qu'une fille ou un homme de l'île se marie sur la grande terre. Les veufs et les veuves s'y risquent à peu près seuls. Il est assez mal porté, en effet, de se marier en seconde noce. On a l'air de ne pas regretter le mort. Puis, en épousant un veuf, une ilienne aurait peur d'être en butte à la jalousie de sa devancière, dont les mânes seraient fort capables de l'étrangler. Ces mariages consanguins, excellents pour le maintien du type, ont bien leur côté fâcheux. Le moins qu'ils entraînent est le lymphatisme, qui, aidé de l'alcoolisme croissant chez les hommes, menace ce peuple d'une dégénérescence assez prompte. Rien n'égale en charme, cependant, les préliminaires de ces unions entre proches ou alliés. La connaissance se noue généralement au catéchisme. Des promesses s'échangent qui seront observées fidèlement. L'heure venue de partir au service, la mère prend son fils à l'écart. « Dites-moi, jeune homme, quelle est la jeune fille que vous avez choisie pour que je m'attache à elle ?» Dès ce moment, on l'appellera de préférence aux autres jeunes filles pour tous les labeurs où elle a besoin d'aide. Mais cette faveur ne va point sans quelque esprit de renoncement chez l'élu qui ne doit plus assister à aucune fête, assemblée, danse, mariage. Il lui faut être réservé dans ses propos, modeste dans son costume. Au retour du service, son ami fera d'elle sa société habituelle et, lorsque enfin il croira le moment venu de se déclarer, tous deux iront ensemble s'inscrire à la mairie et à l'église. Les parents ne seront officiellement informés qu'ensuite. La noce est simple et la religion y tient la première place. Point de gala, de banquet monstre, comme sur la grande terre, mais un repas dans la famille de la jeune fille pour ses parents et amis, et un autre dans la famille du garçon pour les siens. Les invités fournissent une partie des provisions. Plusieurs jours à l'avance, les hommes sont allés au congre. La grosse anguille de mer, à peau noire, dont ils sont très friands, qu'ils salent eux-mêmes et qu'ils couchent sur un lit de pommes de terre. La tâche des femmes est d'éplucher ces pommes de terre la veille du mariage. Le matin, les fiancés ont communié. Après le repas de noces, on danse parfois sur des airs chantés de gavotte. L'île n'a pas de ménétrier. Le lendemain, messe et service pour les parents décédés, les époux communient une seconde fois, puis ils se rendent sur les tombes de leurs proches et y demeurent longuement en prière. C'est de ce moment qu'ils entrent dans leur nouvelle vie. Pendant tout un mois, cependant, la mariée gardera ses atours de noces et ne travaillera pas. Délicate attention, et qu'on est surpris de trouver chez ce peuple où la condition des femmes est restée si dure et voisine du servage. Les femmes ne tutoient pas leurs maris ni leurs enfants mâles, et le curieux, c'est que le tutoiement ici est général. Est-ce souvenir d'une lointaine communauté d'origine ou la révélation de leur christianisme primitif? Les femmes s'appellent toutes, entre elles, Vahroar, ma sœur, et les hommes, Vabreur, mon frère. Les hommes ne travaillent jamais à terre qu'à la réparation de leurs filets, de leurs casiers et de leurs barques. Le champ du labeur humain a été réparti ainsi, la mer aux hommes, la terre aux femmes. Ce sont les femmes qui font le ménage, récoltent le goémon, fabriquent la soude, cultive le sol, coupe le blé, etc. Il n'y a pas de cadastre à Saint, pas de titre de propriété, et cependant les procès y sont inconnus. Tout se passe entre femmes, à l'amiable. Pour le partage des terres, qui a lieu le jour même de l'enterrement, elles se rendent sur place avec un enfant. Chaque pièce de terre est divisée en autant de lots qu'il y a d'héritiers. Après quoi, on fait tourner le dos à l'enfant et dans son béret qu'il tend par derrière, chacune des femmes dépose un caillou. Puis on dit à l'enfant de jeter le caillou sur les lots. Le lot où tombe le caillou devient la propriété de la femme qui l'avait mis dans le béret ou de ceux qu'elle représente. Il en a été ainsi de tout temps. Cambry, qui visita Lille en 1795, dit que les femmes faisaient les partages avec leurs tabliers et que la plupart des hommes ignoraient la place de leur propriété. Ces mœurs primitives s'expliquent autant chez les Illiens par la fidélité aux anciens usages que par leur éloignement des centres administratifs et l'espèce d'autonomie qu'on leur a toujours laissée. Leur organisation, au commencement du XIXe siècle, était celle du clan, de la tribu. Ils continuent de vivre en marge du code. C'est peut-être bien encore la meilleure explication de cette religiosité anachronique dont on ne trouve point d'équivalent même en Bretagne. Longtemps solitaires, perdus aux confins du vieux monde, sur la mer la plus perfide, sans même ce sentiment de sécurité et de détente qu'éprouvent les autres marins, leur journée faite, en prenant pied sur le continent, mais se regardant vraiment comme sur un pan de terre naufragé, sur un radeau de fortune, ils se sont tournés vers la religion comme vers le seul havre d'allègement qui s'ouvrait à eux. Hommes et femmes entendent la messe tous les matins, communient tous les dimanches. L'église est placée, à la mode bretonne, au milieu du cimetière. Nul n'en sort sans avoir fait oraison sur la tombe de ses proches. Le cimetière est le rendez-vous commun. Si fréquenté, si étroit, il n'y pousse pas plus d'herbe que sur une place publique. L'après-midi, on se rend encore à l'église, on y retourne le soir. Tout cela sans préjudice des jubilés, des missions, des cérémonies du carême, du mois de Marie, mai, du mois de Sacré-Cœur, juin, du mois du rosaire, octobre, des pardons aux divers chapelles du littoral, des pèlerinages à Sainte-Anne-d'Auray et à Lourdes, des retraites bretonnes pour hommes et pour femmes à Quimper, à Quimperlé, à Lesnevin. Le mysticisme de la race, déjà si vif sur la grande terre, s'est exaspéré ici, assombri encore de tout ce que l'existence y a de précaire. Cela se marque chez Lilien à sa hantise de la mort. L'air est plein d'âmes errantes. Elles se lèvent de la mer, des champs, des grèves, des roches, âmes de noyés criant après la sépulture, d'autres venues du continent par le bac Noz, et pour qui Saint est une sorte d'antichambre funèbre de conciergerie de la mort. D'autres encore, toutes dolentes, âmes parentales et indigènes, nostalgiques de la vie quittée, en quête d'un souvenir ou d'une prière. À certaines heures du soir, après l'Angélus sonné, elles assiègent les maisons. Il faut avoir soin de ne pas fermer trop brutalement la porte par crainte de les blesser. Cette obsession perpétuelle de l'au-delà se trahit à toutes sortes de signes et spécialement dans une locution qui est ici d'un emploi courant. Quand on reçoit un petit service de quelqu'un, quand on sort d'une maison, quand on pousse le verrou avant de se coucher, partout où nous disons merci ou bonsoir, Lilien dit « Joa dananaun »« Joie aux âmes ». À quoi les autres personnes répondent « Amen ». La solidarité entre proches, très forte en leur vivant, ne se relâche pas après la mort. Ce sont les parents immédiats du défunt, après le mari ou la femme, qui creusent sa fosse, eux qui le portent et le descendent en terre, exception faite pour les enfants qui sont portés par leurs parrains ou leurs marraines. Dès qu'un Illien meurt, le glas tinte. Le curé quitte l'église avec les enfants de cœur, la foule les suit jusqu'à la maison du défunt où le prêtre récite le placebo, repris à voix haute par les assistants. Les visites se succèdent pendant toute la journée et la nuit, le lendemain, mise en chasse, obsèques. À cause de l'étroitesse du cimetière et faute de concession perpétuelle, on est obligé d'empiler les morts les uns sur les autres. La pioche qui creuse heurte à chaque instant des chairs, des ossements. On les rassemble et on les dépose dans un coussin sur le cercueil du nouvel inhumé. La fosse refermée est aussitôt recouverte d'une pierre. C'est souvent la même dalle funéraire d'aspect mérovingien, en caractère d'un pied de haut, qui sert ainsi depuis 10 générations. Le soir des funérailles, la famille offre un grand repas aux parents et aux amis du défunt, car, pas plus que les héros d'Homère, les Bretons ne pensent que les morts doivent être pleurés par le ventre. Au cours de ce repas, un des assistants prononce l'éloge du défunt, que suivent diverses oraisons. Si le défunt laisse des enfants, en bas âge, ils sont recueillis par leurs parents immédiats. En aucun cas on ne les abandonne à la charité publique. Chacun y aide, d'ailleurs. La préférence pour les emplois de mousse est toujours accordée aux orphelins et aux fils de veuves. Les patrons qui les emploient passent pour avoir plus de chance que les autres. Ce qui est bien significatif, c'est que tout cet apparat funéraire, à l'inhumation près, se reproduit pour les Iliens qui ont disparu en mer ou au service. Le frère de Pauline Ménou était décédé à Toulon, à l'hôpital Saint-Mandrier. Dès qu'on connut la nouvelle, on fit avertir les autres parents et on entama les apprêts de la veillée mortuaire. Pour cette veillée, qui n'est pas sensiblement différente de celle où le mort est présent, on étend un drap sur la table. On dessine une croix sur le drap avec 2 serviettes repliées et on pose sur cette croix le portrait du défunt, à défaut quelque objet lui ayant appartenu. Puis on va prendre à l'église le crucifix et les 2 chandeliers. Le prêtre et les enfants de chœur viennent réciter le placebo et la nuit se passe, comme dans les maisons où le mort est présent, en visites et en prières. Messe d'enterrement le lendemain, puis service de huitaine, enfin service anniversaire au bout de l'an. Les plus pauvres Iliens participent à ces honneurs posthumes. La piété de leurs proches ne s'arrête point là. Il est encore d'usage d'inscrire les morts sur la prière publique de l'année, coût 1,50 francs par nom et par an. Le prêtre lit au prône le nom des inscrits et récite ensuite un De Profundis général à leur intention. C'est lui aussi qui, le jour de la Toussaint, désigne en chaire les 8 hommes de la paroisse chargés du Troan Hanaon, tournée des âmes. Une quête à domicile est faite par leurs soins. La nuit venue, après les 3 nocturnes des morts, 4 d'entre eux restent à l'église pour sonner le glas qui ne cessera plus de tinter. Les 4 autres, avec des clochettes, font le tour du village. Ils s'arrêtent devant chaque maison et, avec une particulière insistance, devant celle où la mort a récemment frappé. Leur mélopée frissonnante s'élève alors dans la nuit. « Christenien, divunet, da pedidue ganhan hanaun, tremenet, da lavarat, eur paterhag eun ave, requiscant in pace. Chrétiens, éveillez-vous, priez Dieu pour les âmes des défunts, et dites à leur intention un pater et un ave. » De l'intérieur, des voix répondent « Amen ». Cette lugubre randonnée ne se termine qu'au petit jour. La croyance à une sorte de survie matérielle et souterraine est encore manifeste à certains traits. On voit sur les anciennes tombes des trous en forme de calices et de buires qui servaient aux libations de laitage et de vin. Les Iliens restent persuadés que la terre du cimetière paroissial est nécessaire au repos des morts. Lors de la dernière épidémie de choléra, le médecin de la marine, par mesure de salubrité, exigea que les victimes de l'épidémie fussent enterrées à l'écart du village, dans un cimetière qui a gardé leur nom. Il se heurta aux pires résistances. Les parents de ceux qui dorment là ont demandé à plusieurs reprises qu'on leur permît d'exhumer les cadavres et de les transporter dans le cimetière paroissial. Arveret beniget. Ils viennent d'adresser la même requête au nouveau médecin qui leur a répondu, comme son prédécesseur, par un refus énergique. C'est depuis 1877 seulement que la marine entretient un médecin à Lille. Les hommes lui firent un assez bon accueil, mais les femmes déclinèrent longtemps ses soins. Pour les accouchements, surtout, on eût regardé son intervention comme attentatoire aux mœurs. Il dut s'imposer de force, violer cette pudeur sauvage qui se défendait en pleine crise d'enfantement. Aujourd'hui même, tous les Iliens ne croient point à l'efficacité des secours médicaux. Ils ont meilleure confiance aux remèdes de bonnes femmes, à certaines formules mystérieuses connues d'elles, à des pratiques d'un caractère étrange où il est malaisé de faire la part de l'observation et celle de la foi. Telle est la neuvaine à Saint-Corentin pour guérir la consomption des enfants. Saint-Corentin, un des patrons de l'île, a sa chapelle près du phare, dans un désert couru des vents où elle achève de s'effriter. Quand un enfant tombe en langueur, il est d'usage qu'on fasse dire une messe pour lui à cette chapelle. 9 veuves, choisies par les parents, s'y rendent en procession et en font 9 fois le tour, le chapelet à la main, et en ayant soin tous les 3 jours de rentrer à l'intérieur pour dire un pater. 2 enfants les accompagnent, chacun avec la moitié d'une miche de pain. La miche est déposée sur l'autel. À l'issue de la cérémonie, on la reprend et les 9 veuves y mordent les premières. Elles retournent ensuite au village avec le restant de la miche. À chaque personne qu'elles rencontrent, elles doivent tendre un morceau de pain en lui disant « Voici un morceau de pain de la neuvaine. »« Bonne santé aux malades, » répond le passant, « et que Dieu pardonne aux âmes. » À cette même chapelle de Saint-Corentin, on faisait anciennement tourner la crosse du saint qui était mobile du côté où l'on désirait que soufflât le vent. « Avelmad, Saint-Corentin, Avelmad, ma pédine. » Bon vent, Saint-Corentin, bon vent, je vous prie. » On compte encore qu'autrefois les femmes dont les maris étaient en mer ou sur le continent allaient balayer la chapelle du saint pour en ramasser la poussière. Jetée au vent, cette poussière obtenait une bonne traversée aux absents. Mais le clergé est intervenu. Il a mis une serrure à la porte de Saint-Corentin qui restait benoîtement ouverte jour et nuit. Il a même supprimé la procession qui se rendait à sa chapelle le premier dimanche après la fête Dieu. Corentin, avec sa mine barbare, sa crosse mobile et son chapeau d'astrologue, commençait un peu trop à sentir le roussi. Si l'on a laissé l'église paroissiale sous le patronage d'un autre saint breton, Guénolé, qui ne figure pas davantage dans la liturgie romaine, c'est qu'il eût été plus malaisé de s'attaquer à ce saint, le grand protecteur de l'île, le saint de la mer, par excellence. Sa statue n'a pas quitté la droite du grand autel. Mais déjà d'autres saints étrangers, reconnus, canoniques, se glissent près de lui et lui créent une concurrence qui pourrait devenir redoutable. Le jeune clergé semble tenir en particulière suspicion ces saints locaux dont les papiers à la vérité ne sont pas toujours bien en règle. Le mot d'ordre, presque partout, est de leur substituer des équivalents ou des homonymes. Le clergé a ses raisons que le peuple ne comprend point, mais dans lesquelles nous pouvons entrer. Au fond, le sentiment religieux en est resté ici à son premier stade. Il ne s'est point élevé encore jusqu'à la notion d'une cause intelligente et parfaite. Cette religion de la mort n'en est que la secrète terreur, la confuse obsession. Sous ce mot même de religion, il ne faut point entendre un corps de dogme, une doctrine arrêtée et précise, mais un ensemble mal lié de rites, de formules, de pratiques extérieures, aussi anciens peut-être que la race. Lilien continue d'attacher un sens, bon ou mauvais, aux manifestations les plus simples. Il croit à la puissance d'un mot, d'un geste, d'un coup d'œil. Pour terminer une discussion entre femmes, il n'est que de dire « Si cela n'est pas, je souhaite que tel malheur arrive ». La discussion s'arrête aussitôt. Il faut avoir soin, en sortant de l'église, de secouer l'eau bénite que l'on a prise au doigt dans les 4 directions du vent, et c'est pour que les morts se tiennent tranquilles. Au moment des couches, si la patiente prononce le nom d'un saint ou d'une sainte, il faut, sous peine que ce saint ou cette sainte ne se venge, que les assistants reprennent le nom en cœur en ajoutant « Secourez-la pour lui obtenir bonne et prompte délivrance ». Quand on sème le blé, le passant du plus loin qu'il vous aperçoit doit crier « Doueo penigo !»« Dieu bénisse ce que vous faites !» Il est bon, en parlant de la récolte future, de l'appeler « Aneo beniget !» la récolte bénie. Quand les vaches vont au taureau, les femmes font un signe de croix avant le travail. Il n'y a pas longtemps qu'elles répétaient ce même signe sur le passage d'un étranger. Cet inconnu pouvait être le diable ou son suppôt. Une puissance mystérieuse et jalouse, servie par de redoutables intercesseurs, les saints et les morts, semble peser sur le monde. Le culte de ces intercesseurs est d'autant une précaution qu'un besoin de l'âme. Il s'agit de les désarmer, de se les rendre propices, ou tout au moins de s'assurer leur neutralité. C'est l'idée primitive qu'on retrouve à l'origine du sentiment religieux chez tous les peuples de race aryenne. Joadananaun n'est à bien prendre que l'écho attardé et mélancolique du Paces Deorum Quaerere. Mardi. la condition économique des Iliens n'est pas moins intéressante que leurs habitudes morales. Cambry, à la fin du XVIIIe siècle, comptait 60 maisons dans l'île. Fréminville, en 1836, portait ce chiffre à 75. La population s'était un peu développée, non le bien-être. Les maisons n'étaient que de misérables chaumières. Dauvin, en 1852, dans la France maritime, précisait « On se ferait difficilement une idée des cahutes sous lesquelles les familles s'abritent pendant les rares instants qu'elles donnent au repos et au sommeil. Le jour n'y pénètre que par une ouverture oblongue de 18 pouces de hauteur ménagée dans l'épaisseur d'une muraille grossièrement maçonnée. Un bahut sur lequel tombe ce faible rayon de lumière, deux coffres servant de banc, de grandes armoires sans battants à plusieurs étages servant de lit, une marmite, une poêle, un chaudron, quelques écuelles et cuillères de bois constituent tout le mobilier de ces bouges, enfumées et humides, où la pluie filtre de toutes parts, où le vent s'engouffre avec d'épouvantables sifflements. Cette description, qui n'a peut-être jamais été d'une grande fidélité, serait à peine vraie aujourd'hui pour deux ou trois maisons du Poule. Il y a 250 maisons, bien comptées, à Lille. Toutes ont un étage, quelques-unes deux, construites en pierre taillée, percées de baies suffisantes, crépies ou rejointoyées, et toujours couvertes en ardoise, elles ont un air de décence qu'on ne retrouverait qu'au beau village d'Oléron et de l'île aux Moines. L'intérieur, disposé comme celui de toutes les maisons bretonnes, deux pièces séparées par un corridor, s'en distingue un peu dans le détail. Les cloisons, par exemple, sont relevées de couleurs vives. Les cheminées ont un revêtement en bois peint. Un petit rideau de percale ou d'indienne à fleurs fait linteau sous le chambranle. Quand le vent souffle en foudre, on rabat sur l'ouverture les deux battants d'une porte où l'on fait glisser un panneau à coulisses. La marmite continue de bouillir à l'intérieur. La cheminée est surmontée d'un mester à une ou plusieurs étagères avec galerie ajourée pour la vaisselle. Le reste du mobilier, armoire, lit clos, pétrin, etc., est rangé à la file le long des murs. Meubles propres, sans grand caractère, en châtaignier ou en noyer verni, aux cuivres nets et luisants. Une petite cour de derrière avec une citerne, une étable et une crèche s'annexe à la plupart des maisons. L'étable reçoit une vache, la crèche un ou plusieurs porcs. Joignez-y la volaille, les chiens et les chats, c'est toute la faune domestique de Saint. Chevaux et moutons y sont inconnus, et l'on cite encore l'étonnement d'une Ilienne débarquant pour la première fois sur le continent et qui, en arrêt devant un cheval, le prenait pour un porc d'une espèce gigantesque. La vie dans ces maisons, sans être abondante, est relativement facile. Presque toutes les familles s'approvisionnent de pain blanc à Audierne. Elles ne paient que la mouture et la fabrication et fournissent elles-mêmes le grain. Les familles moins aisées se contentent de pain d'orge ou de seigle mélangé de froment. La farine est achetée sur le continent par culasse, mesure de 200 livres, et cuite au foyer sous la cendre de Goémont. Comme sur toute la côte, les pommes de terre et le poisson séché, vieilles roussettes, congres, merlus, juliennes, etc., composent le fond de la nourriture. Encore le lard, la viande salée, les conserves mettent-ils quelques variétés dans le menu. Même la viande fraîche, apportée d'Audierne, paraît à certains jours sur les tables. La consommation du café et de l'eau-de-vie est poussée jusqu'à l'excès, mais les familles aisées boivent seules du vin. Dans les autres, on se contente d'eau de citerne pure ou dans laquelle on a mis à infuser des fleurs d'anis réputées pour leurs vertus bruyamment laxatives. L'anis est avec l'orge, le seigle, les pommes de terre, la grande production de l'île. Je crois qu'il pousse naturellement en bordure des talus, comme le fenouil et l'armoise, dans la campagne de Runrose. L'orge, le seigle, les pommes de terre se montrent plus exigeants. Mais toutes les fumures du monde ne sauraient faire rendre au sol plus qu'il ne peut produire. Il faut que chaque famille complète son approvisionnement à la foire des Iliens qui se tient à Pont-Croix, le troisième jeudi d'octobre. Grosse préoccupation pour les ménagères. Là s'achètent encore les vaches, les porcs, la volaille. Longtemps le Goémont, avec le bois d'épave, fut le seul combustible employé dans l'île. La plupart des familles font aujourd'hui venir leur bois du fou. La corde, rendue à la grève, coûte de 20 à 22 francs. Il n'y a aucun arbre digne de ce nom dans toute l'île. Les seuls arbustes montrés comme des curiosités sont les fusains et la vigne en espalier du père Fouquet, une autre vigne dans l'enclos du presbytère, un cerisier et un figuier nain. Ce n'est pas que la température soit plus âpre ici que sur le continent. Elle y est au contraire extrêmement douce, mais le vent rase impitoyablement tout ce qui dépasse les murs. En somme, la condition matérielle des Iliens est sensiblement supérieure à celle des autres Bretons du littoral. On ne s'expliquerait point sans cela les dépenses qu'ils font à l'auberge, non plus que leurs fréquentes retraites sur le continent, leurs coûteux pèlerinages aux sanctuaires en vogue, leurs dons continuels en argent et en nature pour les œuvres pieuses, propagation de la foi, denier de Saint-Pierre, etc. Cette petite paroisse de 800 âmes a une cure plus riche que tel canonicat de grande ville, et si c'est pour faire l'éloge des sentiments religieux de l'Ilien, c'est aussi pour témoigner du bon état de ses finances. On ne voit point Séan de Locteux. Le costume des femmes est en très beau drap. Celui de la Jubilinen ne coûte pas moins de 8 francs le mètre, prix d'avant-guerre. Nombre d'Iliennes portent aux oreilles de lourds anneaux d'or. Ce sont les Richards, sans doute. Mais que dans cette île de quelques pieds carrés, sans industrie ni culture, on puisse citer diverses familles dont le revenu passe 5 000 francs, c'est ce qui mérite déjà réflexion. D'où vient donc ce renom d'exceptionnelle misère qui est resté aux Iliens? Il y a eu un temps, je pense, où ils le méritaient réellement. C'est quand ils manquaient de débouchés et que l'exportation du produit de leur pêche s'arrêtait aux villes du littoral. Leur situation fut vraiment digne de pitié jusqu'aux approches de 1860. En 1756, quand l'île faillit être engloutie, comme cette année, par un gonflement soudain de la mer, le duc d'Aiguillon, alors gouverneur de la Bretagne, touché, dit Cambry, de leur état, de leur misère, leur offrit une habitation commode sur le continent, tous les secours, les avances dont ils auraient besoin pour se fixer. Ce fut en vain. L'idée de quitter leur rocher leur fit verser des larmes. Ils demandèrent à genoux qu'on ne les arrachât point à leur misère, au sable qui les avait vus naître. Le duc chercha un autre moyen de leur venir en aide. On commença par ses ordres les premiers travaux de défense et d'atterrissement, une cale, la digue du sud. De ce moment aussi, les Iliens furent inscrits au budget de la marine et reçurent tous les 3 mois 150 quintaux de biscuits, 30 $ et 8 de légumes secs. Cette fourniture leur fut attribuée jusqu'en 1822. Où on la supprima brusquement une première fois, sans doute sur les plaintes provoquées par leurs habitudes invétérées de pillage. Mais ils eurent l'habileté d'intéresser à leur sort les princes de la famille royale. La fourniture fut rétablie et portée graduellement à 250 quintaux de biscuits, 100 de légumes secs et 60 de salaisons. Les choses allèrent ainsi jusqu'en 1858, où, à la suite du pillage du Mentor chargé de minerais et après diverses réclamations du syndic et du commissaire de l'inscription maritime, la fourniture fut définitivement supprimée. Quel cri alors, quelle explosion de regrets, de soupirs, de larmes! Aujourd'hui même, les Iliens ne sont point consolés de ce coup d'autorité. Habitués au secours de la Grande Terre, ils se plient difficilement à l'idée de n'en plus rien recevoir. Je pense cependant qu'il y a pour l'État un meilleur placement à faire de ces subventions. Leur longue minorité économique a gâté les Iliens. Majeurs, ils ne se résignent point à une condition dont ils ne voient que les charges. C'est ainsi que les remontrances de l'inscription maritime n'ont pu les décider à fonder entre eux des sociétés de secours mutuelles. Non qu'ils répugnent au principe de l'assistance, mais ce serait signifier qu'ils peuvent se suffire. On en voit même qui refusent de payer leurs invalides. Le syndic éprouve toutes les peines du monde à leur faire verser cette modique somme annuelle, 18 francs pour les patrons, 9 francs pour les matelots, qui n'est cependant qu'une simple prime d'assurance. Encore faut-il remarquer que c'est toute la contribution qu'exige d'eux l'État. L'île de Sein, par un privilège sans exemple, est la seule commune de France qui ne figure point au budget. L'Ilien ne paie aucun impôt, mobilier ou immobilier. Les débitants et les commerçants sont exempts de patente. La cote personnelle n'existe pas. Les héritages ne sont frappés d'aucun droit d'enregistrement et de succession. De plus, le sel est livré en franchise à la commune qui le fait charger à Mesquer, sur la Grande Terre, et le revend à raison de 4 francs les 50 kilos pris à quai et de 5 francs pesés au dépôt. Le bénéfice de la vente unique revenu de la commune, sert à payer à la marine le loyer du médecin. Les soins de ce dernier sont gratuits, et gratuits encore les médicaments. Et tout de même, ce sont des avantages matériels fort appréciables. Songez combien l'impôt, l'enregistrement, le pharmacien, le médecin grèvent les petits budgets du continent. Et pour légitimer cette abondance de faveurs, l'Ilien d'aujourd'hui ne peut invoquer son isolement d'autrefois. L'installation du câble télégraphique, la régularisation du service postal, le prolongement de la voie ferrée jusqu'à Quimper d'abord, puis jusqu'à Douarnenez et Audierne, ont fait en quelques années pour l'évolution économique de l'île plus que la tutelle amollissante de 2 siècles. Tant que les débouchés manquaient aux Iliens, leurs conditions restaient précaires. Il n'en est plus ainsi maintenant. Le produit de la pêche est porté à Audierne ou à Douarnenez et expédié aussitôt sur Paris et le centre. À l'île même sont établis des marieurs. D'autres viennent sur des caboteurs l'été d'Angleterre et de Normandie et chargent le poisson à quai. La pêche principale est celle de la langouste et du turbot. On la fait sur des embarcations non pontées, montées par 3 ou 4 hommes et gréées en sloop au moyen de casiers cylindriques en osier et de palangres de plusieurs centaines de brasses. Les hameçons des palangres sont amorcés avec des aiguillettes qui abondent dans les eaux de l'île ou avec une sorte de petit poisson grisâtre nommé prêtre qu'on achète par baril à Camaret. Les casiers sont amorcés à l'intérieur avec des tranches de grondins et de vieilles. Palangres et casiers sont fabriqués par les pêcheurs eux-mêmes. La matière première, bois, liège, plomb, ligne, hameçon, achetée sur le continent, fait encore une assez grosse dépense. Vienne une tempête, si la relève n'a pas été assez prompte, tout le matériel est perdu. Heureusement, ces parages sont les plus productifs du monde, et la langouste et le turbot entre les poissons les plus appréciés. Actuellement, la douzaine de langoustes se vend 30 francs au marieur, mais il n'est point rare qu'elle tombe à 10 francs. La livre de turbot se vend 20 sous. Les jours qui suivirent la grande tempête, elle doubla, bondit à 2 francs, mais elle descendait à 10 sous l'été précédent. La pêche a lieu toute l'année, mais surtout du printemps à l'automne. La hardiesse des pêcheurs est inconcevable. Sur ces frêles barques d'un demi-tonneau de jauge, on les voit s'aventurer jusqu'à 7 et 8 lieues d'Armène, à 18 000 au large. Au matin, quand ils prennent la mer, le patron, debout à l'avant, trace dans l'air un grand signe de croix, destiné dans sa pensée à couper la houle. Il n'y réussit point tant qu'une lame de fond ne chavire de temps à autre une barque ou deux. Nul, dit un proverbe local, ne s'est risqué sur le rat qu'il n'ait ressenti peur ou mal. Ce sentiment de l'instabilité de leur destinée perce d'une façon curieuse dans les noms qu'ils donnent au terrain de pêche. Le dernier qu'ils ont découvert au nord-est d'Armène a été baptisé par eux Arveret Neves, le cimetière neuf. C'est présentement le grand rendez-vous de pêche à la langouste. Carfanaum, plus au nord, est pour le turbot. Un bon pêcheur s'y fait couramment des semaines de 40 à 50 francs, qui peuvent monter par exception jusqu'à 120 francs. Mais en hiver, les chômages sont fréquents, durent quelquefois 15 jours et plus. En été, les grandes marées sont un obstacle d'une autre sorte, trop de courant. On ne peut laisser les casiers dehors. Le temps s'emploie vaille que vaille à terre, au gréement des bateaux ou à la révision du matériel. Un dernier mode de pêche spécial à l'île, je crois, et qu'on pratique du rivage, est la pêche à la pinoche, pour les jours où l'état de la mer empêche les hommes d'embarquer. Imaginez un petit radeau miniature de 50 cm², muni d'un gouvernail et d'une voile de fortune, et auquel sont attachées 2 lignes. L'une qu'on tient à la main, l'autre qui traîne dans l'eau, et qui forme une petite palangre dont on amorce les hameçons avec du gravette, vert de vase. En temps de chômage, et pour varier leurs occupations, les hommes ont encore la ressource de la chasse, libre toute l'année à Saint. L'unique gibier du reste est le gibier de mer, gaude, courlis, pluvier, etc., d'approche difficile. La chasse se fait à la peau au moyen d'un oiseau empaillé qu'on place bien en vedette sur un rocher voisin. Grands dénicheurs de nids, les enfants élèvent des mouettes, des goélands, des plongeons. On voit de ces oiseaux qui circulent dans les cours, sur les quais. Il y a même ici des cormorans domestiqués, comme en Chine, qui rapportent le poisson dans leur bec. Les hommes sont payés à la part. Bien entendu, cette part grossit s'ils ont un intérêt dans l'armement. Mais en général, le patron de barque est propriétaire unique. Dans ce cas, les engagements ont lieu à l'année. Encore est-il exceptionnellement rare qu'un homme quitte le bateau sur lequel il est embarqué, à moins que ce ne soit pour entrer au service ou se mettre à son compte. La solidarité est des plus vives de patron à matelot, et la religion vient lui donner une consécration inattendue. Quand on entre chez un patron, on aperçoit, au solive, une suspension d'un caractère étrange. Cela a la forme d'un bateau dont la carène aurait été prise dans l'entamure d'une miche de pimbis et qu'on aurait gréé en sloop, avec des haubans de fil et une voilure en papier. Et c'est véritablement un bateau. Il occupe cette place au plafond depuis le jeudi qui précède le dimanche gras, et il la gardera jusqu'au retour de cette date, qui marque la cérémonie du Festarvag, la fête du bateau, particulière à l'île de Sein. Ce jour-là, chaque patron invite son équipage à souper. Le repas se compose de soupe grasse, de viande fraîche, de légumes et de phare. Gâteau fait de froment, de pruneaux et d'œufs. Le patron fournit 1 litre de vin par homme, l'équipage l'eau-de-vie. À l'issue du repas, les hommes se lèvent, tirent leurs bérets. Le bateau en croûte de pain, suspendu au plafond, est amené par le plus ancien de la compagnie. Puis le patron fait le signe de croix, rompt le pain et en partage les morceaux à son équipage. L'acte est grave comme un sacrement, qui s'est lié par cette communion mystérieuse, cette confareatio, volontaire et fraternelle, s'est vraiment donné corps et âme. Un des hommes de l'équipage taille ensuite dans la miche du jour une nouvelle entamure dont il ôte la mie et qu'il gré comme la précédente. Après quoi, on la hisse au plafond et on l'amène 3 fois, comme pour la cérémonie du salut, en chantant le Veni Creator. S'il y a eu un mort pendant l'année dans l'équipage, on récite un De Profundis à son intention. L'assemblée ne se sépare qu'après les grâces dites. Le lendemain, vendredi, il y a un déjeuner maigre, poissons et patates, offert par l'équipage. Les pauvres, cependant, ne sont pas oubliés. Le mousse est chargé d'envoyer les fonds d'eau-de-vie restants, comme part du Festarvag, chez les infirmes et les veuves abandonnées. En 1794, Cambry comptait à l'île de Sein 344 habitants. Elle en avait 840 au dernier recensement, chiffre divers doublé pendant 6 mois de l'année par l'immigration des pêcheurs pimpolais et de leurs familles. Les débuts de cette immigration coïncidèrent avec l'établissement des grandes lignes ferrées de l'Ouest et de l'Orléans. Mais les Iliens firent longtemps grise mine aux nouveaux venus. Pour commencer, dit Adolphe Pavan, on refusa de leur céder aucun logement, où on leur demanda des prix impossibles. Les pauvres gens furent obligés de se retirer dans leur bateau, d'y vivre pendant plusieurs jours et d'entamer de longs pourparlers avant que les indigènes consentissent à leur donner abri. Il y a aujourd'hui un peu moins de prévention contre eux. Les pimpolais, marins habiles, bons pêcheurs, nullement routiniers, ont été d'un contact excellent pour les Iliens. Ils les ont piqués des mulations et, plus que des concurrents, se sont révélés pour eux des clients, car la plupart amènent avec eux leurs femmes et leurs enfants, jusqu'à de petits êtres âgés de 8 à 10 jours à peine. Les femmes se rendent par terre au conquet où elles embarquent à bord de leurs hommes. Toute la tribu est ici pour Pâques et ne s'en va qu'à la Saint-Michel. Chaque famille loue pour son usage une pièce où il n'y a que les bois de lit et qu'elle paie cependant de 10 à 15 francs par mois. Le reste du mobilier, bien rudimentaire, quelques paillasses et des ustensiles de cuisine, est apporté par le bateau. Mais quoique parlant la même langue quasi, partageant les mêmes demeures, les deux populations ne se fréquentent point. Chacune réserve son compte à soi, et jusqu'en 1878, le conflit resta assez aigu. Il y eut des batailles, plusieurs hommes tués. L'administration dut envoyer à Sein 2 gendarmes maritimes. Ils y séjournent pendant les 6 mois de l'immigration. Le rapprochement se fera-t-il à la longue? C'est peu probable. L'an passé, cependant, une pimpolaise a épousé un Ilien. Tout le temps que dure la pêche d'été, l'île de Sein présente une animation extraordinaire. Des caboteurs étrangers chargent les poissons à quai ou sur rade. C'est un va-et-vient continuel de canaux dans le port où godillent de robustes pimpolaises. Les marchands forains, les colporteurs, tous les gagne-petits de la Grande Terre se donnent rendez-vous devant l'église pour le premier dimanche de mai, pardon de Saint-Guénolé. Et ce sont encore des représentants de commerce, des maçons, des charpentiers, des couturières, l'horloger, le flemme de Pontrieux et sa femme, rajusteurs attitrés de toutes les pendules éclopées ou défaillantes, un boulanger d'Audierne qui cuit le pain au plein air, un rempailleur de chaises, un rétameur. On ne connaît d'autre industrie à Saint que la fabrication des cristaux de soude, d'autres métiers que celui de débitant. Les maisons elles-mêmes sont construites par des ouvriers du Cap. Les femmes de l'île leur servent de manœuvre. Elles préparent le mortier, fouissent le sol, apportent sur la tête les pierres d'angle qu'elles vont chercher quelquefois à un quart de lieue de distance. Tous les objets mobiliers viennent du continent, y compris ces grandes lanternes carrées, en bois et en corne, avec une toiture percée de trous, nécessaire pour se guider la nuit, dans le ténébreux dédale des Venelles. Les bateaux sortent des chantiers de Camaret et de Roscoff, les voiles sont taillées à Audierne. Lilien est marin, et ne peut être que cela. Où ferait-il l'apprentissage d'un autre métier? Où seulement en prendrait-il l'idée? L'instruction donnée par un instituteur laïque et quatre religieuses est forcément rudimentaire. Quelques familles envoient bien leurs enfants à Quimper, mais au petit séminaire. La vocation apostolique n'est point rare dans ces foyers de pêcheurs. Elle fait surtout des missionnaires et des aumôniers de la flotte. Prêtre ou marin, la vie de Lilien est enfermée entre ces deux destinées. On cite pourtant un Lilien qui devint fonctionnaire. C'était un timeur. Second maître d'équipage, décoré au service, il fut son temps fait nommé syndic des gens de mer, puis surveillant de port dans son île natale. Il s'y était un, chargé d'âge. Sa fille tient le débit de tabac du bourg. On n'a pas manqué de me mener chez elle, et c'est qu'elle présente cette particularité d'avoir posé pour le célèbre tableau de Renouf, la veuve de l'île de Saint. Tout le monde le connaissait ici, cet excellent Renouf, qui fit plusieurs séjours à l'île et y demeura une fois tout un hiver. Ce ne fut pas sans tristesse qu'on apprit sa mort. À l'affection pour l'homme se joignait le respect un peu naïf des gens de petite condition pour l'artiste dont la signature au bas d'une toile valait 30 000 francs comme un sou. Celui-là était un entendu, disent-ils avec une nuance d'admiration jalouse. Le tableau de Renouf est au musée de Quimper. Quant au modèle de l'artiste, Anna Brigitte Timmer, plus connue séance sous le diminutif de Chitik, c'est une femme de 45 ans, un peu touchée par l'âge, mais qui a conservé ses beaux yeux noirs, sa grâce sévère et ses lèvres d'ombre. Elle n'est point veuve, comme l'a voulu Renouf, elle n'a même jamais été mariée, ce qui n'empêche qu'en plus de son surnom familier de Chitik, on l'appelle communément, comme dans le tableau, la veuve de l'île de Saint. Chitik est une des curiosités de l'île et comme telle signalée aux touristes. Le débit lui-même ressemble à tous les autres. Un comptoir, des étagères garnies de bouteilles et de verres, une table, des bancs. Mais voici au mur une photographie du tableau de Renouf dédicacée et adressée par lui à son modèle. La femme, en jubilinaine noire, songe ou prie devant une tombe. Un petit enfant, tête nue, est agenouillé auprès d'elle. C'est aujourd'hui un grand garçon de 26 ans, Nicolas Gilcher, fin pêcheur et marin consommé. Renouf a bien un peu truqué le paysage pour lui donner de l'air à sa toile. Il a écarté les maisons qui enclosent de toutes parts le cimetière et lui a fait un fond sur le large. D'autres châssis sont pendus au mur, ils viennent presque tous de l'héritage paternel et encadrent des brevets, une croix de la Légion d'honneur, une médaille militaire. La gloire n'a pas gâté Chitik, resté simple et modeste. Elle a gardé un vrai culte pour le peintre qui l'associa à son triomphe. Des autres vagues troupeaux d'imitateurs, emboîtant le pas à toutes les célébrités naissantes et qui la sollicitèrent de figurer dans leurs toiles, elle ne conserve qu'une mémoire confuse. Il ne compte pas. Mais pour Renouf, elle n'était point à une séance près. Il habitait chez son père, il prenait ses repas en famille, et à certains mots qu'un soupir prolonge, à des allusions détournées, à je ne sais quoi de mélancolique dans l'accent, j'ai l'impression d'un roman avorté, comme d'un pas levé d'amour, qui explique peut-être que Chitik soit volontairement restée fille. « Nous l'attendions toujours, me dit-elle, Il écrivait quelquefois, il promettait de revenir.